Vous écoutez? La croche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL, une radio qu'on s'intonise au 89.1 au cadran et à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin, microphone, heureux de vous retrouver et de vous proposer au cours de la prochaine heure des créations tirées d'une étiquette du Royaume-Uni qui s'appelle The Submarine Broadcasting Company. C'est un label indépendant créé en 2017 qui a pour projet de présenter, dit-on, le meilleur de la musique expérimentale, musique d'art et d'essai. Eh bien, je vous confirme que c'est une plateforme de sono très intéressante et pour illustrer ça, je vais vous faire entendre ce soir deux projets de création sonore récents et pour le moins très réussis. On va entendre en seconde partie un projet intitulé « Avant et après le silence », je traduis. C'est un album réalisé par les artistes Anya Kressing, Philippe No et Hans Kastrop, une illustration d'une collaboration à distance. Cela dit, à l'instant, je vous fais entendre un magnifique projet de l'artiste Aidan Loughran, un projet intitulé « Ritual Incantation »,« Incantation rituelle », un projet qui a été conçu et réalisé au cours des sombres mois d'hiver au début de 2024, où, dit-il, Aidan, « je me suis retrouvé sans attache, flottant un peu sans but à travers des journées inondées d'ennui ». Alors pour lancer ça, on écoute « Fragment with Summer ». C'était le premier extrait de cet album intitulé « Incantation rituelle » d'Aidan Loughran, qui est un compositeur, artiste sonore et musicien basé à Glasgow, en Écosse. On raconte que ses créations sonores sont le fruit d'improvisations combinant, comme vous l'avez entendu, dans cette première pièce, des sonorités instrumentales à des enregistrements sur le terrain. Tout ça assorti de sons électroniques, sonorités de drones, présenté dans une perspective performative, dit-il, proche de l'absurde. Évidemment, il a produit de nombreux albums, participé à des festivals, remporté des prix et collaboré avec de nombreux artistes de la scène, du cinéma et du jeu aussi, du jeu électronique. Sur les plans sonores et musicaux, Aidan Loughran tente de repousser les limites de l'harmonie contemporaine en explorant les structures et les gammes microtonales. Aidan raconte qu'il utilise souvent son travail artistique comme moyen d'exprimer des thèmes liés aux problèmes environnementaux. C'est un défenseur de l'activisme climatique. Alors, on écoute cette fois « It Won't Last Forever ». C'est tiré de ce bel album « Ritual Incantation ». Eh bien, je vous raconte brièvement l'histoire de cet album, Ritual Incantation. C'est Aidan Loughran qui parle. Tout ça a commencé, dit-il, comme un simple moyen d'expérimenter, d'affiner ma pratique et de combler le fossé entre les sons de certains de mes projets précédents, qui vont de sons plutôt bruyants à des tonalités plus harmonieuses, douces, subtiles. Au fur et à mesure que je composais, c'est devenu en quelque sorte un processus méditatif, ayant pour but de tout recommencer comme je le faisais apparemment ailleurs dans ma vie. En tenant compte de cela et des thèmes que je voulais explorer à travers le prisme de l'éphémère, il me fallait trouver des ponts d'ancrage à cette dérive dans un océan d'apathie. Thank you. Eh bien, Aidan Loughran souligne que le titre « Incantation rituelle » s'avère un mantra, un sort, un processus de pleine conscience, dit-il, intentionnel, un projet qui repose sur l'idée d'une mémoire qui s'efface comme animée par le flux et le reflux de la mer. Le rivage est pour moi un lieu transitoire, un lieu qui n'est plus terre, mais pas encore mer. Une grande partie de cet album a été construit à partir d'enregistrements de terrain captés à travers l'Écosse, tout ça combiné à de vieux enregistrements de musique classique, de machines analogiques défaillantes, de disques qui sautent parce qu'ils ont été trop joués. Ritual Incantation est probablement l'œuvre dans laquelle j'ai le plus expérimenté, dit-il, fidèle à l'état d'esprit qui m'animait à ce moment. Je ferme les guillemets, on écoute cette fois une création intitulée The Farthest Shore. Et bien voilà ce qui complète la première demi sur des sonorités de l'artiste sonore et compositeur Aidan Loughran. On poursuit ça en seconde demi avec les artistes Chrissing, Kastrup et No autour d'un bel album intitulé Before and After Silence. Et pour se rendre à la pause, ben on écoute encore une autre pièce de cet album d'Aidan Loughran intitulée Incantation rituelle que vous retrouverez sur le label Submarine Broadcasting Company. C'est KRL 89.1. Vous écoutez? La Croche-Oreille. Alors, vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL de 89.1 qu'on peut trouver aussi sur ckrl.qc.ca quand on est un peu loin du rayonnement herzien. Gaëtan Gosselin au microphone avec vous jusqu'à 22h en compagnie d'artistes et de créateurs sonores associés au label Submarine Broadcasting Company. C'est un label du Royaume-Uni qui se donne pour mission de soutenir le meilleur de la musique expérimentale. Et pour illustrer ça de manière convaincante, je vous fais écouter un projet au titre très évocateur, Before and After Silence. Avant, après le silence, un beau titre pour un très bel album concocté par les artistes Hans Kastrup, Anya Kressing et Philippe No. On nous raconte que l'idée de cet album a surgi en 2022 alors que les trois complices travaillaient chacun à leur domicile respectif pour la réalisation d'un projet collectif. Alors, eh bien, malgré la distance physique, le travail a parfaitement fonctionné et ben, ils ont décidé de continuer de créer à distance. Les enregistrements présents sont le résultat d'un mixage sonore réalisé par Anya Krissing pour nous offrir une expérience sonore aussi dense que possible. On écoute pour débuter la demi, A Part of a Perfect Poem. Alors, partie d'un poème parfait, c'est tiré de cet album Before and After Silence. Bon, je suis tombé sur une belle critique de cet album dans le magazine Indie Rock. Je vous lis ça, j'ouvre les guillemets. à découvrir cette collaboration en trio publiée par le label britannique Submarine Broadcasting Company. L'amateur de Brian Eno qui sommeille en nous ne peut qu'être intrigué. Croisant le fer avec les Allemands Hans Kastrup, piano électronique, et Anya Krissing, guitare, accordéon, électro, le français Philippe No, adepte des maelstroms de texture organique et opaque, souvent basés sur des field recordings, déroule sur Before and After Silence, le genre d'atmosphère fantasmagorique qu'on lui connaît dans un flux de tâtonnements instrumentaux et de foisonnements électroacoustiques à mi-chemin de la méditation tourmentée et de la tempête sous un crâne. Je referme les guillemets pour résumer la valeur d'un projet. On s'entend, c'était, dit-il, ce critique un peu ardu, mais tout de même très passionnant. Alors on écoute une autre pièce. Thank you. Eh bien, je vous brosse le portrait de ce trio incomparable. Enya Chrissing a fait des études en beaux-arts, arts sonores et médiatiques, cinéma, accordéoniste, improvisatrice. Elle est bien sûr inspirée par Pauline Oliveros. Enya travaille principalement avec des bandes sonores live pour des films muets, des vidéos, des performances, du théâtre, et pour ses propres films d'art avec l'accordéon et des textures électroniques. Hans Kastrup a fait, quant à lui, des études universitaires en sciences de l'art. Il œuvre dans les domaines de la peinture, de la vidéo et de la photographie, du graphisme aussi et de la musique, du texte. Il a présenté des expositions et publié des articles radiophoniques, des livres d'artistes aussi. On le retrouve au piano et aux instrumentations électroniques. Enfin, Philippe Nau, c'est d'abord un peintre qui a délaissé un peu la peinture pour la multidisciplinarité. Tout mon travail, dit-il, tente de façonner un lieu imaginaire. Les peintures, les installations, les films et la musique suggèrent quelque chose de proche de l'idée d'un paysage mental réalisé avec de la musique non narrative, des mélodies atonales, des glitches inquiétants, des textures métalliques, des field recordings sourds, des notes abstraites et des collages sonores organiques. Je referme les guillemets, belle approche de ces trois artistes sonores dont on écoute cette fois une création intitulée Dynamo. C'est tiré de ce bel album Before and After Silence. Et bien voilà ce qui complète l'émission de ce soir en compagnie de Aidan Loughran, Hans Kastrup, Enya Chrissing et Philippe Nau autour des albums Ritual Incantation et Before and After Silence. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que vous retrouverez sur le label Submarine Broadcasting Company et sur Bandcamp. Je remercie particulièrement Adrian Nichols du label Submarine Broadcasting Company. Vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant. Restez des nôtres, c'est Rock Medium et avec Mathieu Johnson qui s'amène à 22h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée sur des sonorités de Hans Kastrup, Anya Krissing et Philippe Noe. Voilà, depuis les studios de CKRL, dans Limoilou, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.